papa venait de mourir d'un meurtre poursuivi chez lui. Quelle affaire, je décidai de visiter sa biblie, histoire d'y relire quelques polars, ça va le faire. Il paraît qu'avant de clamser, il a vite fait ouvert ses livres préférés. Quelle horreur, j'ai pris un livre qui s'appelle La maison du péril d'Agatha Christie. Je suis lecteur. Quelle histoire, quelle histoire, oh mon Dieu, quelle histoire. Je commençais à lire tranquille peinard ce roman vachement passionnant, je l'adore. Lorsqu'à la 316e page, je vis quelques dégueulasses taches de sang, c'est trop gore. Encore quelques pages plus loin, je découvris un petit message, je suis curieux. Deux, trois petits mots écrits en vers, je vous les lis, je pense que vous êtes aussi curieux. Quelle histoire, quelle histoire, oh mon Dieu, quelle histoire. Je suis poursuivi par Oscar, c'est devenu un fou furieux. Au secours, dans ma jeunesse je lui devais de l'argent. Il veut m'assassiner, j'ai peur et je cours. J'allais appeler les ch'tards vite fait, quand on sonna à la porte, j'allais l'ouvrir. C'était un grand homme cigare costard. Je lui demandais curieusement ce qu'il voulait. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Il voulait m'acheter mon silence pour la somme de 150 000 euros. Quel culot, vous pensez bien, j'ai refusé. Je me laisse pas acheter comme ça par un beau. J'ai pas du tout regretté, puisque plus tard on l'a retrouvé. C'était lui, non, je n'ai pas du tout regretté, puisque plus tard on l'a retrouvé. C'était lui, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Moralité, ne vous laissez pas avoir par cette hantise qui est l'argent.